Chapitre 15e. Ce soir-là, comme d'habitude, ils se séparèrent à l'orée du bois. Arnet devait partir le lendemain matin de bonne heure. Il pria Charity de ne parler à personne de leur projet de mariage avant son retour, et obscurément, elle se sentit soulagée par cet ajournement. Un lourd fardeau d'humiliation pesait sur elle, anéantissant toute autre sensation. Elle dit au revoir à son amant sans presque donner de signe d'émotion. Les promesses réitérées de retour que lui prodiguait Arnet lui semblaient aujourd'hui presque blessantes. Elle ne doutait pas de son intention de revenir. Les doutes qu'elle pouvait avoir étaient beaucoup plus profonds et moins définissables. Depuis cette chimérique vision d'avenir qui avait flotté dans son imagination à leur première rencontre, elle n'avait jamais pensé qu'il l'épouserait. Elle n'avait pas eu à chasser cette idée de son esprit puisqu'elle ne l'avait, à vrai dire, jamais eue. Si quelquefois, elle avait essayé de penser à l'avenir, ce n'avait été que pour se rendre compte, instinctivement, que l'abîme qui la séparait de Arnet était trop profond, et la passerelle qui jetait leur amour trop fragile. Mais elle ne songeait que rarement à l'avenir. Chaque jour était assez plein de bonheur pour l'absorber tout entière. Sa première impression fut donc que dorénavant tout allait être différent, et qu'elle-même ne serait plus pour Arnet ce qu'elle avait été. Au lieu de demeurer comme séparée des autres, isolée dans sa pensée, elle acceptait d'être exposée, d'être comparée à des personnes inconnues. Elle devinait qu'on exigerait d'elle des choses inattendues. Elle était trop fière pour s'en effrayer, mais sa liberté d'esprit en souffrit. Arnet n'avait fixé aucune date pour son retour. Il avait dit seulement qu'il lui fallait d'abord examiner certaines choses et régler certaines affaires. Il avait promis d'écrire aussitôt qu'il aurait quelque chose de précis à lui faire connaître, et lui avait laissé son adresse, la priant de lui écrire quelquefois. Mais cette adresse l'effraya. C'était à New York, dans un cercle de la 5e avenue. Charity eut l'impression que cette adresse mettait entre eux une nouvelle barrière. Une ou deux fois, dans les premiers jours, elle avait pris une feuille de papier, s'était assise, regardant devant elle, essayant de penser à ce qu'elle pourrait bien lui dire. Mais elle se figurait que sa lettre, si elle l'écrivait, n'arriverait jamais à destination. Jamais de sa vie, elle n'avait envoyé de lettre plus loin qu'à Hepburn. Il y avait 10 jours que Arnet était parti quand sa première lettre arriva. Elle était tendre mais grave, et ne ressemblait en rien au petit billet enjoué qu'il lui faisait tenir par le gamin du fermier quand il habitait Creston River. Il parlait formellement de son intention de revenir, mais ne donnait aucune date, et rappelait à Charity leur accord, lui répétant que leur projet ne devait pas être divulgué avant qu'il eût le temps d'arranger les choses. Quand cet arrangement serait fait, c'est ce qu'il ne pouvait encore prévoir. Néanmoins, elle pouvait compter sur son retour aussitôt que tout marcherait à souhait. Charity lut cette lettre avec la sensation étrange qu'elle venait de très loin, d'une région inconnue, et qu'elle avait perdu en chemin presque toute sa signification. Elle lui envoya pour réponse une carte postale coloriée représenta la chute du Creston River, sur laquelle elle écrivit avec les tendresses de Charity. À la vérité, cela lui parut pitoyable, sans rapport surtout avec les pages reçues. Désespérée, elle comprit que dans son impuissance à s'exprimer, elle lui donnerait une impression de froideur, peut-être même d'aversion. Mais qui pouvait-elle? Elle ne pouvait oublier qu'il ne lui avait jamais parlé de mariage avant que Mr. Royal ne lui contraint à prononcer ce mot. Et bien qu'elle ne se fût pas sentie la force de rompre le charme qui la liait, elle s'apercevait que toute spontanéité de sentiment était perdue et qu'elle se trouvait maintenant inerte, attendant passivement le sort qu'elle ne pouvait éviter. Quand elle revint à la Maison Rouge, elle n'y trouva pas Mr. Royal. Le lendemain matin, le jour même du départ de Arnet, Verena annonça Charity, lorsque celle-ci descendit de sa chambre, que son tuteur était parti pour le Worcester et Portland. C'était en effet l'époque où il allait d'habitude faire son rapport auprès des compagnies d'assurance qu'il représentait, et son départ n'avait rien que de très naturel sauf sa soudaineté. Elle ne s'en soucia pas autrement, se félicitant seulement de son absence. Pendant les premiers jours, elle chercha la solitude et évita soigneusement ses amis. North Dormer se remettait peu à peu de tout le bruit qu'on avait fait autour de son nom, et l'agitation qui durait encore permit à Charity de demeurer à l'écart sans attirer l'attention. Pourtant, elle ne pouvait éviter longtemps la fidèle Ali. Dans les premiers jours qui suivirent la clôture de Oldhamwick, Charity esquiva sa rencontre en allant rôder sur les collines tout le temps qu'il n'était pas à son poste dans la bibliothèque. Mais une période de pluie survint, et un après-midi où les ondées ne cessaient pas, Ali, certaine de trouver son amie chez elle, vint à la Maison Rouge avec son ouvrage. Charity, n'ayant pu l'éviter, s'installa avec elle au premier étage dans sa chambre. Les mains sur les genoux, plongée dans une sorte de songe lourd, elle n'était qu'à demi-consciente de la présence d'Ali, assise en face d'elle, sur une petite chaise de paille. Ali avait épinglé son travail sur son genou et serrait ses lèvres minces en se penchant sur son aiguille. « C'est moi qui ai eu l'idée de faire passer un ruban dans le bouillonnet, » dit-elle d'un air fier, se rejetant en arrière pour admirer la blouse qu'elle garnissait. « C'est pour Miss Balch. Elle en a été tout à fait contente. » Elle s'arrêta, puis reprit avec un léger tremblement dans la voix. « Je n'ai pas osé lui dire que j'avais eu cette idée d'après une blouse que j'ai vue à Julia. » Charity leva les yeux nonchalamment. « Voyez-vous encore quelquefois Julia ?» Elle rougit, comme si l'allusion lui avait échappé sans qu'elle y prît garde. « Oh, il y a longtemps que je l'ai vue avec cette blouse. » Le silence retomba, et elle reprit après un instant. « Miss Balch, en partant, m'a laissé beaucoup de commandes cette fois. »« Quoi ? Elle n'est donc plus ici ?» demanda Charity, brusquement inquiète. « Vous ne le saviez pas ?» Elle est retournée à Springfield le lendemain même de la fête de Hamblin. Je l'ai vue qui partait en voiture avec Mr. Harney. Il y eut un autre silence, ponctué par le bruissement de l'averse contre les vitres, et à intervalles par le crissement des ciseaux d'Ali. À un moment, celle-ci eut un petit rire songeur. « Savez-vous ce que Miss Balch m'a dit avant de s'en aller ?»« Elle m'a promis de me faire venir à Springfield pour travailler à son trousseau. » Charity leva de nouveau ses paupières lasses et regarda le pâle et mince visage d'Ali qui se balançait lentement au-dessus de ses doigts agiles. « Elle va donc se marier ?» Ali laissa tomber la blouse sur ses genoux et s'arrêta, les yeux sur son ouvrage. Ses lèvres semblaient devenues subitement sèches, car elle les humectait du bout de sa langue. « Mon Dieu, je le suppose, d'après ce qu'elle a dit. Vous ne le saviez donc pas ? Comment l'aurais-je su ?» Ali ne répondit pas. Elle se pencha sur la blouse et se mit à enlever un fil de batille avec la pointe de ses ciseaux. « Pourquoi l'aurais-je su ? Répéta brusquement Charity. « Je ne sais pas. J'ai pensé que vous auriez pu entendre ce qu'on raconte ici. On prétend qu'elle est fiancée à Mr. Harney. » Charity se mit debout en riant et leva ses bras au-dessus de sa tête d'un geste nonchalant. « Si tous ceux que les gens marient s'épousaient pour de bon, vous auriez tous les jours des robes de mariée à faire, » fit-elle ironiquement. « Hein ? Alors vous ne le croyez pas ? » risqua Ali. « Cela n'y change rien que je le croie ou non. C'est vrai. » « Je sais seulement que je l'ai vue pleurer le soir de la fête parce que sa robe lui allait mal. C'est pour cela qu'elle n'a pas voulu danser. » Charity était restée debout, les yeux fixés sur le corsage qu'Ali tenait sur ses genoux. Brusquement, elle se pencha, s'empara d'un geste brutal. « Eh bien, elle ne dansera pas non plus avec celui-là » s'écria-t-elle, prise d'une fureur soudaine. Et saisissant la blouse dans ses jeunes mains vigoureuses, elle la déchira en deux et jeta les fragments de dentelle sur le plancher. « Oh ! Charity !» s'écria Ali, consterné. Pendant quelques secondes, les deux jeunes filles se firent face, ayant entre elles les lambeaux de la blouse. Ali fondit en larmes. « Mon Dieu, que vais-je lui dire ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'était de la vraie dentelle ? » gémit-elle, entre ses sanglots éperdus. Charity la fixa d'un regard implacable. « Pourquoi avez-vous apporté des chiffons ici ? » balbutia-t-elle, haletante de colère. « Je hais les vêtements des autres. Il me semble que les gens sont là eux-mêmes. » Après cet aveu, elles continuèrent à se regarder sans rien dire, jusqu'au moment où Charity s'écria avec une figure convulsée. « Tenez, Ali, allez-vous-en, ou je vous détesterai autant que je la déteste. » Quand Ali fut sortie, Charity se jeta sur son lit en sanglotant. La pluie, qui avait duré plusieurs jours, fut suivi par un gros vent de nord-ouest. Dès qu'il souffla, les bois prirent leur première teinte automnale, le ciel devint un bleu plus dense, et de grands nuages blancs vinrent se poser sur les collines comme des banquises de neige. Les premières feuilles recroquevillées des érables commencèrent à tournoyer sur la pelouse de Miss Hatchard, et la vigne vierge éclaboussa d'écarlate le portique blanc du mémorial Hatchard. Ce fut un mois de septembre triomphant et doré. Chaque jour, les couleurs flamboyantes de l'automne s'étendaient sur les pentes des collines, montaient en vagues grandissantes colorées de carmin et de pourpre. Les mélèzes brillaient de l'éclat pâle du halo jaune qui encercle un foyer ardent. Les érables flambaient ou rougeoyaient comme de la braise, et les bouquets de sapins du Canada faisaient des taches d'indigo sur l'incandescence de la forêt. Les nuits froides étaient pleines d'un vif et dur scintillement d'étoiles lointaines, paraissant à la fois plus petites et plus éclatantes qu'en été. Parfois, durant les longues heures d'insomnie, Charity avait la sensation d'être liée à la grande roue tournante des astres et de rouler avec eux dans le vide des espaces noirs. Pendant ces heures d'hallucination, elle projetait bien des choses. C'est alors qu'elle s'essayait à écrire à Harney. Mais ne sachant comment exprimer ce qu'elle voulait lui dire, elle attendait. Depuis son entretien avec Ali, elle avait acquis la certitude intérieure que Harney était bien fiancé à Miss Balch, et que les arrangements dont il avait parlé comportaient la rupture possible de ce lien. Sa première furie jalouse enfin apaisée, elle ne sentit plus de crainte à ce sujet. Elle était certaine que Harney reviendrait, et certaine également que pour le moment du moins, c'était elle qui l'aimait et non Miss Balch. La jeune fille n'en demeurait pas moins une rivale dangereuse, puisqu'elle représentait tout ce que Charity n'était pas, tout ce que Charity se sentait incapable de comprendre ou de réaliser. Annabel Balch pouvait ne pas être celle que Harney devait épouser, du moins, elle était celle qui lui était naturelle pour lui d'épouser. Charity ne s'était jamais vue, mais Mother les meilleurs devenant sa femme. Jamais elle n'avait pu s'arrêter à cette vision et la suivre dans ses conséquences quotidiennes. Mais par contre, elle pouvait parfaitement imaginer Annabel Balch dans ce rôle. Plus elle pensait à tout cela, plus elle sentait la fatalité qui pesait sur elle et l'inutilité de la lutte. Elle n'avait jamais su s'adapter aux circonstances. Elle ne pouvait que briser, déchirer et détruire. La scène avec Ali l'avait laissée toute honteuse de sa sauvagerie puérile. Qu'aurait pensé Harney s'il en avait été témoin? Et cependant, quand cet incident repassait dans son esprit perplexe, elle ne pouvait s'imaginer ce qu'aurait fait à sa place une personne plus civilisée. Elle se sentait de taille trop inégale pour lutter avec tant de force inconnue. Ce sentiment finit à la longue par la décider à une action soudaine. Elle prit une feuille de papier dans le cabinet de travail de Mr. Royal et s'asseyant près de la lampe de cuisine, un soir où Verena était montée se coucher, elle commença sa première lettre à Harney. Ce fut très court. « Je désire que vous épousiez Annabel Balch, si vous le lui avez promis. Ne craignez pas que je prenne mal la chose. Ce que je veux, c'est que vous agissiez loyalement. Votre Charity. » Elle mit la lettre à la poste le lendemain matin de très bonne heure, et pendant quelques jours, elle se sentit le cœur étrangement léger. Puis, anxieuse, elle commença à se demander pourquoi Harney tardait à répondre. Un matin qu'elle était seule dans la bibliothèque, l'esprit absorbé par toutes ses pensées, les rangées de livres lui parurent tourner autour d'elle et le pupitre chancelait sous ses coudes. Ce vertige fut suivi d'une nausée pareille à celle qu'elle avait eue le jour de la cérémonie à l'hôtel de ville. Mais alors la salle avait été pleine de monde et il y régnait une chaleur étouffante, tandis que la bibliothèque était vide et si fraîche que Charity avait conservé sa jaquette. 5 minutes avant, elle se sentait tout à fait bien, et voilà que tout à coup il lui semblait qu'elle allait mourir. Le bout de dentelle auquel elle travaillait encore lui tomba des mains, et le crochet d'acier alla rouler en tintant sur le parquet. Elle serra ses tempes entre ses mains moites, raidissant contre son bureau pour lutter avec le malaise qui l'envahissait. Peu à peu un certain calme lui revint, et après quelques minutes elle se leva, tremblante et terrifiée, saisit son chapeau et sortit pour prendre l'air. Mais le paysage baigné d'or automnal vacillait autour d'elle, et ses oreilles étaient remplies d'un étrange bourdonnement, tandis qu'elle se traînait à pas lents jusqu'au seuil de la maison rouge. Comme elle en approchait, elle vit un buggy qui stationnait à la porte, et son cœur eut un soubresaut d'espoir. Mais ce n'était que Mr. Royal qui en descendait, son sac de voyage à la main. Il l'aperçut et attendit sur le perron. Elle eut conscience qu'il la regardait avec une attention extrême, comme s'il y avait quelque chose d'étrange dans sa démarche, et elle se redressa, la tête haute, dans un effort désespéré de dissimuler son malaise. Leurs yeux se rencontrèrent et elle dit d'un air indifférent, comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. « Vous voilà de retour ?»« Oui, me voilà, » répondit-il. Il se dirigea vers son cabinet de travail. Charity grimpa péniblement l'escalier jusqu'à sa chambre. Ses pieds étaient si lourds qu'elle devait faire d'immenses efforts pour les soulever à chaque marche. Deux jours plus tard, Charity descendait du train à Nettleton et, sortant de la gare, s'engageait sur la place grise de poussière. Le froid des jours précédents avait cessé et la température était aussi douce et presque aussi chaude que le jour où elle avait traversé avec Arnay cette même place, alors toute pavoisée pour la fête de 4 juillet. Les mêmes Locati et les grands Breck se tenaient en ligne devant la gare, et les pauvres Haridelle, avec des filets sur leurs flancs, balançaient toujours leurs tristes têtes fatiguées. Elle reconnut les enseignes voyantes au-dessus des restaurants et des salons de billard, et les longues lignes de fil de fer sur les hauts poteaux qui bordaient la rue principale. Prenant le chemin que marquaient ces poteaux, elle marcha très vite, la tête penchée, jusqu'à une large rue transversale dont une maison de briques formait le coin. Elle traversa cette rue et jeta un regard furtif sur la façade de la maison. Puis elle revint sur ses pas et franchit brusquement une porte qui s'ouvrait sur un escalier aux marges bordées de cuivre. Au second étage, elle sonna, et une jeune mulâtresse aux cheveux crépus avec un tablier de mousseline à volant l'introduisit dans une antichambre où un renard empaillé tendait aux visiteurs sur ses pattes de devant un plateau de cuivre pour les cartes. Au fond de l'antichambre, une porte vitrée portait cette inscription « Consultation ». Après une attente de quelques minutes dans un salon meublé de sofas en peluche surmonté de grands cadres dorés, dans lesquels souriaient des photographies de jeunes femmes endimanchées, Charity fut introduite dans le bureau. Une demi-heure plus tard, elle ressortait par la porte vitrée. Le docteur Merkley, l'accompagnant, la conduisit dans une autre pièce, plus petite et encore plus encombrée de fauteuils de peluche et de cadres dorés. Le docteur Merkley était une femme dodue, aux petits yeux vifs, avec des cheveux noirs qui lui mangeaient le front trop bas, et des dents trop blanches et trop bien rangées. Elle était richement vêtue de satin noir. Des chaînes d'or et des breloques pendaient sur son corsage bombé. Elle avait des mains fortes et lisses, aux mouvements très vifs. Il se dégageait de sa personne une odeur mélangée de musc et de désinfectant. Elle souriait à Charity d'un sourire qui découvrait ses dents étincelantes. « Asseyez-vous, ma chère. Voulez-vous prendre une petite goutte de quelque chose ?»« Non ?»« Eh bien, étendez-vous un peu sur le canapé. Il n'y a rien à faire encore. Mais dans un mois environ, si vous voulez revenir, je pourrai même vous prendre chez moi pendant 2 ou 3 jours et tout se passera sans que vous ayez une seconde d'ennui. Pauvre petite. » La prochaine fois, vous vous ferez moins de mauvais sang. » Charity la regardait, les yeux dilatés d'étonnement. Cette femme, avec ses faux cheveux, ses fausses dents, son faux sourire, que lui offrait-elle, sinon l'immunité pour un crime ignoble? Jusqu'à ce moment, Charity n'avait ressenti qu'un vague dégoût et une détresse physique qui l'effrayait. Et voici que tout à coup, lui était révélée la grave surprise de la maternité. Elle s'était engagée dans cette affreuse maison parce qu'elle ne connaissait pas d'autre moyen de s'assurer qu'elle ne se trompait pas sur son état. Et la femme l'avait prise pour une misérable créature comme Julia. Cette pensée lui parut si horrible qu'elle se leva, pâle et tremblante, sentant monter une de ses grandes crises de colère. Le docteur Merkley, toujours souriante, se leva aussi. « Pourquoi voulez-vous partir si vite? Vous devriez vous reposer un peu. » Elle s'arrêta et son sourire devint plus maternel. « Ensuite, si l'on jase trop chez vous, et si vous voulez faire une absence, j'ai une dame de mes amis à Boston qui cherche une demoiselle de compagnie. Vous seriez tout à fait la personne qu'il lui faut, ma petite. » Charity avait gagné la porte. « Je ne veux pas rester, je ne reviendrai jamais ici, » balbutia-t-elle, la main sur le bouton. Mais d'un geste rapide, la doctoresse lui barra le chemin. « Ah bon, si c'est comme ça, mes $5, s'il vous plaît. » Charity jeta un regard désespéré sur le visage rigide et les lèvres serrées de la doctoresse. Elle avait emprunté $4 à Ali, mais elle en avait donné 2 pour son billet d'aller-retour, et jamais la pensée ne lui serait venue que les honoraires d'un médecin puissent dépasser $2. Je ne savais pas. Je n'ai pas autant d'argent que cela sur moi, balbutia-t-elle, éclatant en sanglots. La doctoresse eut un petit rire qui ne découvrit pas ses dents, et demanda en termes brefs si Charity supposait qu'elle dirigeait l'établissement pour son plaisir. Elle faisait face à la jeune fille, appuyant ses fermes épaules contre la porte tout en parlant, avec l'air d'un geôlier qui traite avec son prisonnier. « Vous dites que vous reviendrez vous acquitter plus tard. C'est une chanson que je ne connais que trop. Donnez-moi votre adresse, et si vous ne pouvez pas me payer, j'enverrai le compte de mes honoraires à votre famille. Quoi ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Cela ne vous convient pas. Eh bien, vous êtes bien difficile pour une jeune fille qui ne gagne pas assez pour payer ses dettes. » Elle s'arrêta, et ses yeux se fixèrent brusquement sur la broche avec la pierre bleue que Charity avait attachée sur sa blouse. « Et vous n'avez pas honte de refuser ces honoraires à une femme qui travaille pour gagner sa vie, alors que vous vous promenez avec des bijoux comme celui-là ? Tenez, ce n'est pas dans mes habitudes, et je ne ferai cela que pour vous obliger. Mais si vous voulez me donner cette broche en gage, je vous laisserai aller. Bien entendu, vous pourrez la reprendre quand vous m'apporterez mon argent. » Pendant le retour à Nordormer, Charity ressentit une quiétude immense et inattendue. Il lui avait été bien pénible de laisser le cadeau de harnais aux mains de cette femme. Mais même à ce prix, la nouvelle qu'elle emportait n'avait pas été trop chèrement achetée. Elle restait assise, les yeux à demi clos, tandis que le train l'emportait à travers le paysage familier. Et voici que les souvenirs de son précédent voyage, au lieu de le tournoyer devant elle comme des feuilles mortes chassées par la rafale, lui semblaient revivre et mûrir en elle comme une semence qui n'était qu'endormie. Elle ne saurait plus jamais maintenant ce que c'était que de se sentir seule. Tout semblait être devenu subitement clair et simple. Elle n'éprouvait plus aucune difficulté à s'imaginer être la femme de Harney, maintenant qu'elle était la mère de son enfant. Comparée à son droit souverain, la prétention d'Annabel Balch n'avait pas d'autre importance que la velléité sentimentale d'une jeune fille. Le soir même, à la porte de la Maison Rouge, elle trouva Ali qui l'attendait dans le crépuscule. « Je suis descendu au bureau de poste, au moment où on allait le fermer. Will Targat m'a dit qu'il y avait une lettre pour vous et je vous l'apporte. » Ali, entendant la lettre, examinait Charity avec des yeux pleins d'une sympathie curieuse. Depuis la scène du corsage déchiré, il y avait, dans la façon dont elle regardait son amie, une nouvelle et craintive admiration. Charity lui prit la lettre des mains. « Oh, merci et bonsoir, » dit-elle, en la quittant brusquement, pour remonter très vite le sentier. Elle savait que si elle tardait une seconde, elle aurait Ali sur les talons. Elle gravit l'escalier en toute hâte et entra en tâtonnant dans sa chambre sombre. Ses mains tremblaient en cherchant des allumettes et la bougie. Dès qu'elle y vit clair, elle s'aperçut que l'enveloppe était si soigneusement collée qu'elle dut chercher ses ciseaux pour l'ouvrir. Enfin, elle put lire « Cher Charity, j'ai votre lettre. Elle me touche plus que je ne puis le dire. Voulez-vous vous fier à moi, en retour, pour agir au mieux ? Il y a des choses qu'il est difficile d'expliquer et beaucoup plus de justifier, mais votre générosité rend tout plus facile. Ce que je puis faire maintenant, c'est de vous remercier de toute mon âme pour votre intelligente compréhension. En me disant que vous vouliez surtout me voir agir loyalement, vous m'avez aidé au-delà de toute expression. S'il n'y a jamais un espoir de réaliser ce que nous avons rêvé, vous me verrez revenir aussitôt, et je n'ai pas encore perdu cet espoir. » Elle parcourut la lettre d'un seul trait, puis elle la reprit, la lut et la relut, plus lentement chaque fois, et chaque fois avec une angoisse croissante. La lettre était si bien tournée qu'elle la trouvait presque aussi difficile à comprendre que l'explication des scènes bibliques qu'elle avait vues autrefois à Nettleton. Pourtant, peu à peu, elle comprit que le point essentiel se trouvait dans les quelques mots de la fin. « S'il n'y a jamais un espoir de réaliser ce que nous avons rêvé. » Mais alors, il n'était donc pas même sûr de cela. Elle comprenait maintenant que chaque mot et chaque réticence étaient un aveu de la priorité des droits d'Annabel Balch. C'était donc vrai qu'il lui était fiancé et qu'il n'avait pas encore trouvé un moyen de rompre son engagement. Tout en relisant la lettre, Charity comprit ce qu'elle avait dû lui coûter à écrire. Ainsi, il n'essayait pas même d'échapper à une revendication importune, il se débattait loyalement, douloureusement, entre des devoirs opposés. Elle ne lui reprochait même pas, dans sa pensée, de lui avoir caché le fait qu'il n'était pas libre. Elle ne voyait dans la conduite de Harney rien de plus répréhensible que dans la sienne. Dès le commencement, elle avait voulu son amour plus qu'il n'avait désiré le sien, et la force qui les avait jetés au bras l'un de l'autre avait été aussi irrésistible qu'un vent de tempête arrachant les feuilles de la forêt. Seulement, il y avait entre eux, se dressant tout droit au milieu du bouleversement général, l'image indestructible d'Annabel Balch. mise ainsi face à face avec le fait brutal qu'il lui fallait accepter. Elle demeura sans bouger, les yeux fixés sur la lettre. Un frisson glacé courut par tout son corps, et des sanglots violents l'étreignirent à la gorge, la secouant de la tête aux pieds. Elle se sentit emportée et ballottée sur des flots d'angoisse, ayant à peine conscience d'autre chose que de la lutte aveugle qu'elle devait soutenir contre leurs assauts. Cependant, peu à peu, elle se mit à revivre, avec une intensité poignante, chaque phase successive de sa pauvre aventure. Les choses folles qu'elle avait dites à Arnay lui revinrent, les joyeuses réponses de son amant, son premier baiser dans les ténèbres, le soir du feu d'artifice, le choix fait ensemble de la broche bleue, la façon dont il l'avait taquinée au sujet des lettres qu'elle avait laissées tomber en se sauvant de l'évangéliste. Tous ses souvenirs, et des centaines d'autres encore, vinrent assiéger sa mémoire en foule, et chanter dans son cerveau avec une telle insistance qu'elle arriva à sentir auprès d'elle la présence réelle de Arnay, les doigts du jeune homme qui passaient dans sa chevelure, et son haleine chaude sur ses joues, ainsi qu'au jour où il se penchait sur elle et faisait ployer sa tête comme une fleur. Ces souvenirs-là étaient bien à elle. Ils avaient passé dans son sang. Ils étaient devenus une partie d'elle-même. Ils avaient formé l'enfant dans son sein. Il était désormais impossible de rompre des liens aussi solidement noués. Peu à peu, cette conviction s'ancra dans son esprit. Elle commença, dans sa pensée, à chercher les premiers mots de la lettre qu'elle voulait écrire à Arnay. Elle voulait la faire tout de suite. D'une main fiévreuse, elle se mit à tout bouleverser dans son tiroir pour y trouver une feuille de papier. Mais il n'en restait pas une seule, et il fallait descendre en chercher. Un sentiment superstitieux lui disait qu'elle devait écrire sans perdre un instant, et qu'en révélant par des mots son secret, elle retrouverait l'assurance et la sécurité. Elle prit sa bougie et descendit au cabinet de travail de Mr. Royal. Elle pensait qu'à cette heure il était peu probable qu'elle l'y trouvât. Il avait sans doute déjà dîné et avait dû aller finir la soirée chez Carrick Fry. Elle ouvrit la porte de la pièce obscure, et la lumière de sa bougie, qu'elle tenait un peu haute, tomba en plein sur Mr. Royal, assis dans son fauteuil de crin à grand dossier. Ses coudes étaient posés sur les bras du fauteuil. Sa tête, un peu inclinée, se releva vivement quand Charity entra. Elle eut un mouvement de recul quand leurs yeux se rencontrèrent, car elle savait que les siens étaient rougis par les larmes et que son visage était livide de la fatigue et de l'émotion de son voyage. Mais il était trop tard pour s'échapper. Il resta là, regardant son tuteur en silence. Il se leva et vint à elle, les mains tendues. Le geste était si imprévu qu'elle lui laissa prendre ses mains. Et ils restèrent ainsi sans parler jusqu'au moment où Mr. Royal prononça doucement « Me cherchez-vous, Charity ?» Alors elle se dégagea d'un mouvement brusque et recula. « Moi, non !» Elle posa la bougie sur le bureau. « Je voulais du papier à lettres, voilà tout. » Le visage de Mr. Royal se contracta et ses épais sourcils s'avancèrent au-dessus de ses yeux. Sans répondre, il ouvrit le tiroir de son bureau, prit une feuille, une enveloppe et les lui tendit. « Voulez-vous aussi un timbre ?» demanda-t-il. Elle fit signe que oui, et lui donna le timbre. Pendant qu'il la servait ainsi, elle sentit qu'il la regardait avec une attention intense, et elle pensa que la clarté vacillante de la bougie sur son visage pâle devait déformer encore plus ses traits gonflés et rendre plus sombre la cernure de ses yeux. Elle s'empara du papier de l'enveloppe que Mr. Royal lui tendit. L'assurance qui lui était revenue s'en allait sous le regard impitoyable de son tuteur. Il lui semblait lire dans ce regard la triste perception de son état et l'ironique souvenir du jour où, dans cette même pièce, il lui avait offert de contraindre Arnay à l'épouser. Ce regard semblait aussi dire qu'il savait qu'elle prenait du papier pour écrire à son amant, l'amant dont elle avait été abandonnée, ainsi qu'il le lui avait prédit. Elle se souvint du mépris avec lequel elle s'était détournée de lui ce jour-là, et se dit que, s'il devinait la vérité, il devait se sentir bien vengé. Elle sortit en toute hâte et gagna l'escalier. Quand elle fut chez elle, devant sa table, tous les mots sur lesquels elle comptait avaient disparu et elle n'écrivit pas. Tout eût été bien différent s'il avait pu rejoindre Arnay. Elle n'aurait eu qu'à se montrer, et leur souvenir commun aurait plaidé sa cause. mais elle n'avait plus d'argent. Il n'aurait osé demander à personne la somme qu'il fallait pour un tel voyage. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à écrire et attendre la réponse de Harney. Longtemps elle resta penchée sur la page blanche, ne trouvant pas les mots qui pourraient vraiment exprimer ce qu'elle sentait. Harney l'avait remerciée d'avoir compris les difficultés contre lesquelles il se débattait. Et elle en était heureuse, car elle ne voulait pour rien au monde lui créer des soucis. Elle n'ignorait point qu'il était en son pouvoir de le faire. Elle tenait le sort de son amant dans ses mains. Tout ce qu'elle avait à faire était de lui dire la vérité, mais la conscience de son pouvoir la retenait. Les 5 minutes qu'elle venait de passer face à face avec Mr. Royal lui avaient enlevé sa dernière illusion et l'avaient ramenée au point de vue de North Dormer. Avec une impitoyable netteté, se dressa devant elle l'image de la jeune fille qui se mariait pour régulariser sa situation. Elle avait vu trop d'idylles de village finir de cette façon. Le mariage de la pauvre Rose Coles, par exemple, était d'une ombre. Et quel bien en était-il résulté pour elle et pour Halston Skeff? Ils s'étaient haïs du jour où le pasteur les avait mariés, et toutes les fois qu'il prenait fantaisie à la vieille Mrs. Skeff d'humilier sa belle-fille, elle n'avait qu'à dire « Lira-t-on jamais que le petit n'a que 2 ans ?»« Pour un enfant né le 7e mois, il est vraiment bienvenu. » North Dormer, si hypocritement indulgent pour les pêcheurs impénitents, ne pardonnait jamais à ceux que la malchance obligeait à expier leurs erreurs. Et Charity avait toujours compris que Julia Howes, après sa première faute, eût préféré n'importe quel sort plutôt que le retour au village. Seulement, n'y avait-il réellement d'autre alternative que celle de Julia? Elle frémissait d'horreur en revoyant par la pensée la doctoresse au visage poudré, au milieu de ses meubles de peluche et de ses cadres dorés. Dans l'ordre des choses telles qu'elle le connaissait, elle ne voyait pas de place pour sa pauvre aventure à elle. Elle resta assise sur sa chaise sans se déshabiller, jusqu'au moment où la première lueur de l'aube apparut à travers les fissures de ses volets fermés. Alors elle se leva et les ouvrit, laissant entrer la lumière. La venue d'un jour nouveau lui apporta une conscience plus aiguë de l'inéluctable réalité et de la nécessité d'agir. Elle se regarda dans la glace et se vit toute pâle dans la froide clarté de ce matin d'automne, les traits tirés, les yeux cerclés de noir, signe trop visible de son état, qu'elle n'aurait jamais remarqué elle-même sans avoir été éclairée par le diagnostic de la doctoresse. Il eût été bien puéril de s'imaginer que de tels signes échapperaient à la curiosité du village. Même avant que sa taille fût déformée, son visage l'aurait trahi. Penchée à sa fenêtre, elle regarda le paysage sombre et vide. Les maisons couleur de cendre avec leurs volets clos, la route grise escaladant la pente jusqu'à la rangée de sapins entourant le cimetière, et la lourde masse de la montagne se dressant toute noire contre un ciel de pluie. À l'est, une clarté s'élargissait au-dessus de la forêt, sous de noirs nuages. Lentement, le regard de Charity voyagea à travers la vallée, suivant la courbe des collines. Elle avait si souvent regardé ce paysage désert, se demandant si jamais il pourrait arriver quelque chose à celui qui s'y verrait enfermé. Sans qu'elle se rendît compte du travail de sa pensée, sa décision se trouva prise. Tandis que ses yeux parcouraient le cirque des collines, son esprit avait lui aussi refait l'ancien chemin. Sans doute, il y avait dans son sang quelque chose qui l'attirait toujours là-bas, à la montagne, chaque fois que les circonstances de sa vie devenaient trop pénibles. Encore une fois, la montagne se dressait dans sa pensée comme elle se dressait sur le fond obscur du ciel, et plus elle la regardait, plus elle comprenait clairement que cette fois-ci, il ne lui restait pas d'autre asile.